ce temps attendre le souffle d'une vie. Il a fallu souffrir pour mieux grandir. Le souffle coupé, une respiration de quelques années. Tu sais mon fils, tu es mon plus beau jour. Grandir. Tous les jours, je me sens vieillir. Mais tout cela n'a pas d'importance. Un seul sourire m'emplit le cœur. Qu'on choisit ta vie, prends-la en main, qu'elle soit belle comme la femme que j'aime. La vie est celle qu'on choisit, ta vie, prends-la en main, qu'elle soit belle comme la femme que j'aime. La vie, rien n'est écrit. Des embûches se dresseront. Tous ces pièges, tu les déjoueras. Plus fort, tu en sortiras.